Laisse-moi t'être qu'une femme. Mais ici-bas, qui donc est parfait, si fiable? Je pardonne guère ta sincérité, mon homme. T'es si lâche que plus rien ne m'étonne. Ok. Bien souvent, on manque de tact. On cherche une raison pour aller au contact. Comme une douleur qui ne veut que blesser. Hélas, hélas, retour impossible, une fois le verre renversé. On joue à je t'aime et je ne t'aime plus. Parfois sur un nuage, parfois déçu. Une fois le mal fait, le diable ne se déguise plus. Regarde-moi dans les yeux, tu sais, entre nous rien ne sera jamais parfait. Alors, pardonne-moi de n'être qu'un homme. Pardonne-moi de n'être qu'un homme. Car ici-bas qui est parfait, personne. Dans l'œil la sincérité d'un mort. Pardonne-moi de n'être qu'une femme, de n'être cette flamme et qu'un seau de larmes n'éteigne pas. Parole en l'air, non, tu n'es pas qu'un homme. C'est pourquoi je te blâme, de surcroît pour moi, tu n'es pas personne. Je persiste à croire que mon cœur a sa raison, qu'un morceau n'a pas même aux couleurs des saisons. Je résiste pendant que l'orage éclate, que la pluie trempe ta veste après que la porte claque. Miroir, mon beau miroir, dis-moi. Ne suis-je pas assez bien? Ah, quitte la flamme. C'est plutôt qu'est-ce qui me retient. Parce que quand mon email bat, facile d'y trouver ton empreinte. Ça l'est moins de l'attention que tu prêtes, même si je n'aime pas me plaindre. Que du love, amicalement. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. T'entends? Pardonne-moi d'être qu'une femme. Mais ici-bas qui donc est parfait? Si fiable, je pardonne guère ta sincérité.